Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. J'ai pas d'histoire au lacet. Ne raconte pas de salade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ouais, je crois bien qu'il nous balade. Comment veux-tu avancer dans ce monde malade? Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Je crois bien que le monde est malade. Je rappe doucement, je suis pas pressé. Je dépense, je fais pas qu'encaisser. Je change pas, je compte pas me rabaisser. Plus qu'il paye que ce qu'encaisser. Fais pas le fou sur ton PC. Je fais de mon mieux, du moins j'essaie. Je me déterre, je suis pas stressé. Je me fais du mal, pourtant je sais. Cesse la cesse, tu vas cesser. Tous les jours y'a des décès. T'as tout fait, t'as tout donné. Mais rien à faire, elle t'a laissé. Ta fierté, c'est ta fessée. Tu regrettes, elle t'a blessé. Tu pensais que c'était une fille bien, mais bon, si bien qu'elle paraissait. Je regarde le ciel est gris. Trop de soucis, j'ai maigri. Ciel nuageux, rares sont les jours où les étoiles brillent. Trop de frères qui partent en vrille. J'oublie pas ce que j'ai appris. Tout ce que t'espères dans la vie s'achète, faut juste mettre le prix. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. J'ai pas d'histoire au lacet. Ne raconte pas de salade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ouais, je crois bien qu'il nous balade. Comment veux-tu avancer dans ce monde malade? Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Je crois bien que le monde est malade. Faut pas lâcher pas, beaucoup l'ont compris. T'arriveras pas si tu fais pas du concret. Dis-moi comment tu veux être compris. Pense à tous ceux qui voient la misère de trop près. Aussi dur que de garder un secret. Après une bonne galère pour toi des liens secrets. J'ai jamais fait de coups de pute, tant que tu m'écoutes plus. J'ai pas changé de pote depuis la cour de récré. Que des cassos, que des illettrés. T'inquiète pas, qu'ils savent bien compter. On saute les repas, on fait ce qu'on veut pas. Mais ne change pas si t'es bien compté. Trop d'histoires à raconter. Trop de salopes à démonter. Il est plus facile de descendre la pente que de la remonter. Sincère, je rappe comme je suis, comme je le sens, comme je sais. Je joue pas de ceux qui parlent trop, non, je le garde pour moi quand je sais. Je préfère m'enfermer, faire ce que je veux, je me le permets. Je lâcherai pas la fermer, pour me faire taire, faudra m'enfermer. Personne s'aide pour avancer, je crois bien que le monde est malade. J'ai pas d'histoire au lacet, ne raconte pas de salade. Ce qu'il raconte n'est pas censé, ouais, je crois bien qu'il nous balade. Comment veux-tu avancer dans ce monde malade? Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Je crois bien que le monde est malade. Personne s'aide pour avancer. Personne s'aide pour avancer. Je crois bien que le monde est malade. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Ce qu'il raconte n'est pas censé. Je crois bien que le monde est malade.